Vous êtes de retour à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque, vous pouvez lire sur les sites de Centraire, www.centraire.qc.ca, le site de Québec Pop, québecpop.com, ainsi que sur ma page Facebook de Canrock, CAN-ROCK. Cette semaine, Horizon de Vichtin. Pour notre pur plaisir, le trio acadien Vichtin nous arrive avec un nouvel opus. Horizon nous ramène toute la magie de ce trio insulaire qui persiste et signe dans la volonté de nous faire danser. Majoritairement inspiré de vieilles chansons et pièces acadiennes, Emmanuel et Pastel Leblanc, accompagné de Pascal Mius, bien sûr, nous offrent encore une autre fois un album où la qualité et la beauté des arrangements en sont l'équation d'un produit fort réussi. Dès les premières notes, dès la tempête qu'on va entendre dans quelques instants, jusqu'à la dernière note d'âme sœur, eh bien, nous y sommes accrochés pièce par pièce. Donc, vraiment un album très intéressant. Bien sûr, cet album-là est disponible sûrement sur Distribution Plage, www.plage.net, où je vous donne l'adresse du groupe pour avoir plus de détails. Vichtin.net, V-I-S-H-T-E-N.net. Allez voir ce site-là. Allez découvrir ce groupe-là si vous ne le connaissez pas. C'est fort intéressant. Ils sont là depuis une bonne lurette et ils font de l'excellente musique acadienne. Comme je vous le disais, on va y aller avec une première pièce qui part bien l'album Horizon. C'est une pièce qui s'appelle « Dell Tempête ». Et dès les premiers accords de cette pièce-là, eh bien, on est engagé dans une ribambelle de belle musique. Voici Vichtin. Libéraux. quelques bons extraits à noter, entre autres les Sirènes à Roméo, un instrumental offrant un beau trio guitare-piano-flûte qui nous captive dès les premières notes. La pièce titre Horizon, qu'on va entendre dans quelques instants, arrive bien à nous faire ressentir le goût de vivre des insulaires de l'Acadie en trois beaux tableaux musicaux. Attention, avis important, il y a un ver d'oreille sur cet album-là, un ver d'oreille irrésistible qu'on va entendre en fin de commentaire. Il s'agit de BB Box. C'est la pièce de l'album. Elle est très puissante grâce à son énergie et sa mélodie des plus accrocheuses. Et je termine avec une autre belle pièce, L'autre femme, une autre chanson puissante qui se distingue par son son plus moderne au niveau des arrangements, avec toujours cette belle touche de celtique que nous offre constamment Vichten. Vichten.net pour découvrir leur univers. Voici la pièce de leur album, voici Horizon. Thank you. Le groupe Vichtin a atteint un niveau de qualité d'enregistrement hors du commun qui est classé parmi le top du top des artistes légendaires. Les trois membres de la formation acadienne sont au sommet de leur art, offrant des mélodies, arrangements et performances presque parfaites. Pour le commun des mortels, la seule perception possible est le plaisir de les écouter et de danser. Encore une autre fois, avec Horizon, Vichtin nous captive par la qualité des mélodies, la force des voix et une réalisation des plus solides. Laissez-vous charmer par ce groupe exceptionnel en visitant leur site internet www.vichtin.net, V-I-S-H-T-E-N.net. Ou encore, vous pouvez aller faire un tour sur Distribution Plage, plage avec un S.net, pour vous procurer leur album. On va écouter, selon moi, la pièce d'album, assez solide, assez entraînant, assez enivrant même. Voici Vichtin, voici BB Box. courir avant qu'il soit trop tard. Faire la paix avec mes remords. Je sais bien que tout le monde a ses petites guerres. J'suis pas à part, sauf dans mon cas. C'est moi mon adversaire. J'ai des grands yeux, mais je vois pas souvent clair. Je pense encore que le monde est beau. Je vois la vie comme un cadeau. J'ai toujours voulu être heureuse, heureuse de n'importe quelle façon. J'avoue que je suis pas mal niaiseuse en ce qui concerne mes choix de garçon. Mais qu'est-ce que tu veux quand t'as une vie bohème et que tu caches ta peine pour plaire? Mais qu'est-ce que tu veux quand tout ce que t'as connu est viré à l'envers? Mon pain de l'image bien claire, y'a tellement de mal à terre. Quand tout d'un coup je me sens pas bien, mais que l'on sort, je comprends plus rien. T'es-tu meilleur que moi? Avec ton gros troc pis tes lunettes, je dirais pas ce que je vois. Mais là je parle pour moi. Me semble qu'il y a tellement plus que ça. Dans ma petite tête, le monde m'embête. J'suis-tu la seule comme ça? Oui, je veux rire en me réveillant sans même entendre quelque chose de drôle. Rester belle au fil des ans, de poids sur mes épaules. Je voudrais changer le monde et me contenter de ma paix. J'oser le voisin, ramener l'entraide, essayer de mourir bien vieille. Mais qu'est-ce que tu veux quand tout le monde est traite avec une maudite face d'air bête? Mais qu'est-ce que tu veux, c'est rendu que t'es mieux rester dans ta tête. J'en peins l'image bien claire, y'a tellement de monde. On a débuté notre bloc de l'Est Québec-Ontario avec René Ray et Le Monde est con. René Ray qui, cette semaine, apprenait au-delà de ses espérances qu'elle est numéro 1 sur le palmarès de l'Arc du Canada, toutes les radios communautaires francophones hors Québec. Elle est numéro 1 sur ce palmarès-là. Elle est numéro 9 sur le top 100 de la disque. Donc, ça va très bien pour elle, pour cette chanson-là. Son album qui a été enregistré chez M. Martin Deschamps sortira le 2 novembre prochain, à surveiller bien sûr. Et si c'est comme cette pièce-là, je pense que ça risque d'être un bon album. J'ai hâte de recevoir ça et de vous le partager avec grand plaisir. J'adore sa voix, j'adore ses mélodies. Si je pense à Online aussi, c'est assez intéressant. Un folk rock assez captivant. Donc, à surveiller, René Ray, nouvel album qui s'en vient le 2 novembre. Parlant d'album, il y a un album qui sort le 26 octobre. Ils sont en tournée en ce moment pour justement promouvoir cet album-là. C'est l'album Courage, volume 2, Moon, de la formation Georgian Bee. Alors que je préparais cette émission-là, je n'avais pas encore reçu les extraits du nouvel album, mais ça s'en vient. Et puis, tout simplement vous dire que ça risque d'être assez intéressant. Donc, à surveiller Georgian Bee. Allez faire un tour pour découvrir ça sur Facebook ou sur l'Internet. C'est un groupe à découvrir. Aussi, cette semaine, il y avait mon bon ami Michel Russell qui était en première partie de l'Orange d'Albert du côté de Québec. Donc, on va entendre « Chez moi » de Michel Russell dans quelques instants. Mais pour l'instant, voici Georgian Bee et leur excellente chanson « Roi ». Il était une fois

monsieur, c'est l'heure de fermer. J'ai grandi dans le quartier. C'est pas demain qu'on va me larguer. J'ai vu l'hiver et même la fond des mers. J'ai vu vraiment tout ça à l'arrière de chez moi. I'm